بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، ceci dit, on continue avec la biographie du prophète عليه أفضل الصلاة وسكت تسليم، et on s'est arrêté avec l'exégèse de la sourate Al-Ahzab, ou plutôt des versets concernant sourate Al-Ahzab. Donc la sourate qui est appelée avec une traduction approximative les coalisés. Et on avait rappelé le comportement des hypocrites, des gens qui ont des maladies dans leur cœur et des croyants à travers ces quelques versets. Et ici on est toujours dans la description des hypocrites concernant ceux qui ont participé à cette bataille qui est la bataille de la tranchée ou la bataille de l'Ahzab, des coalisés. Et petit à petit on va arriver à la deuxième expédition ici qui concerne l'expédition de Bani Qurayza, inshallah ta'ala, qui s'est passée en l'an 5 de l'Hégire. Donc au début, on est dans la description concernant les personnes, les hypocrites, les malades du cœur, les associateurs, etc. Mais là, on est toujours dans la bataille de l'Ahzab. Et petit à petit, on va rentrer dans la bataille de Bani Qurayza et on est toujours dans la même sourate, dans sourate Al-Ahzab, les coalisés. On s'était arrêté avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَدَ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Allah Azza wa Jalla dit, certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent à leurs frères, venez à nous, tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat. Donc là, on parle de qui? On parle des hypocrites, on parle de ceux qui ont une maladie dans leur cœur et qui font partie bien sûr de quoi? Al-Munafiqin. Car il y a des gens qui ont des maladies dans leur cœur mais qui font partie des musulmans quand même. Ils sont entre l'hypocrisie et la croyance. Mais là on parle des hypocrites. Mais on avait expliqué le terme li-ikhwanihim, à leurs frères. Donc ils disent à leurs frères. On avait dit que ça c'était la preuve que tu peux avoir des frères, mais des frères en Allah, mais aussi des frères en quoi? En le batil. Des frères dans l'égarement. Donc ça ne suffit pas de dire celui-là est mon frère, un tel est mon frère. Car les hypocrites ont appelé ici ceux qui participaient avec eux dans leur égarement li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-aya. Allah azza wa jalla a rappelé qu'ils les ont appelés, ils ont dit à leurs frères. Ça c'était leurs frères dans l'égarement. Wal a'yadu billah. Donc ici ils se sont entraidés dans quoi? Dans le batil. Alors qu'Allah azza wa jalla dit wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan, ne vous entraidez pas dans le péché, la transgression. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle ici le comportement qu'ils avaient et il dit ashihatan 'alaykum. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Avare à votre égard, puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous la serrent avec des langues affilées. Alors qu'ils sont chiches à faire le bien, ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc a rendu vaines leurs actions et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avare à votre égard, c'est-à-dire, ils refusent de faire le bien. Ils refusent d'agir en bien envers vous. Avare à votre égard. Ashihatan alaykum. Fa'idha ja al-khawf. C'est-à-dire les hypocrites, ceux qui ont des maladies dans leur cœur. C'est quoi? Ici, leur critère convient al-khawf, l'épreuve. Ici, quel comportement ils ont? Ils ont le comportement de celui qui est choqué par quoi? Al-maut, la mort. Celui qui a peur de la mort. Écoutez bien et on va s'arrêter quelques instants ici pour éclaircir certains points, inshallah ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit, ashihatan alaykum, fa'idha ja'a al-khawf, ra'aytahum yanzuruna ilayk, taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhi min al-maut. Allah Azza wa Jalla dit, avare à votre égard, puis quand leur vient la peur, tu les vois ici te regarder avec des yeux révulsés comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Khlas, on sait que quand quelqu'un est proche de la mort, ou plutôt est, comme il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala et d'autres, ici il est dans sakarat, il est dans l'agonie de la mort. Quel est son comportement? Les yeux révulsés, il te regarde avec quoi? Al-khawf, la peur. Pourquoi il a peur de quoi? Il a peur de la mort. Est-ce que nous les croyants, est-ce que nous les musulmans, est-ce que nous ceux qui adorons Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer, on a droit de dire j'ai peur de la mort? Inni akhafu min al-maut. Hal yajuz hadha al-kalam? Est-ce que c'est autorisé de dire ces propos-là? Non, ça veut dire que toi tu n'as pas peur de la mort. Qui a pas peur de la mort? Qui a peur de la mort, il lève sa main. Masha'Allah. Tout le reste, ils n'ont pas peur de la mort. Qui a peur de la mort? Habibou. Masha'Allah, t'as pas peur de la mort? Explique-nous. Bref, hein, fais pas un cours. Un musulman, toi, t'as peur de la mort ou pas? Oui ou non? Il n'y a pas 37... T'as pas peur de la mort, khlas. D'accord, donc t'es prêt à mourir. Non, mais khlas, t'es prêt à mourir. Donc si quelqu'un vient avec un fusil et veut te tuer, t'as pas peur de la mort. T'auras pas peur. Mais tu me parles d'un musulman. Je te parle de toi, Habibou. Masha'Allah, toi, si quelqu'un vient. Donc ça veut dire que quelqu'un vient et veut te tuer, t'auras pas peur. Mais t'auras peur ou pas? C'est la question. Je t'ai pas dit, fais pas les réponses des politiciens. Ils détournent. T'auras peur ou pas si quelqu'un te... T'auras pas peur? Allah Iberk. Masha'Allah. Je crois que t'es le seul sur la planète, yahi. Allah Iberk. Tout le monde a peur de la mort. Sauf ceux qui se mentent à eux-mêmes. Même le croyant. Ad-Dalil. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il parle du comportement de l'insan. Il parle du comportement de l'insan. Ashihatan alaykum. Fa'idha ja'a al-khawf. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى منه يغشى من الموت. Il a peur comme celui-là qui a, ou là, les yeux révulsés comme celui qui a peur de la mort. Donc Allah Azza wa Jalla, il connaît mieux ses créatures que n'importe qui. C'est Allah Subhanahu wa Taala qui nous a créés. Donc il rappelle et il sait que l'insan dans cette situation, par exemple, yani fi as-sakarat, dans l'agonie de la mort, par exemple, ici tout le monde a peur, tout le monde a cette crainte. Pourquoi? C'est une peur quoi? Naturelle. Ça c'est une peur naturelle. D'accord? Alors qu'Allah Azza wa Jal, il rappelle qu'on doit avoir peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, ça c'est des peurs naturelles. Ça c'est des peurs naturelles. Si quelqu'un va te faire peur, si quelqu'un va te faire peur, tu marches dans la nuit, hop, quelqu'un, yani, il va sauter devant toi, ou alors il va être caché dans ton entrée, il va crier d'un coup, Habibou, masha'Allah, il va rester normal. Il va dire, qu'est-ce que tu veux? Laïberg. Déjà, si quelqu'un le menace avec une arme, Habibou, il va rester, il va dire, moi je suis musulman, j'ai pas peur. Khalas. Ça c'est une peur naturelle. D'accord, tout le monde, personne va mentir, même si tu es je ne sais qui, t'auras cette peur naturelle, c'est humain. Le prophète a eu peur ou pas? Le prophète a eu peur. As-sahaba, ils ont eu peur ou pas? Les compagnons, ils ont eu peur. Rapporté par l'imam muslim. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle rapporte. Regardez ce récit que certains juhala wal iyadu billah, ils disent que ça c'est un récit mensonger. Ils disent que c'est un récit mensonger, alors qu'il est rapporté par muslim. Et ici, bi ijma' al-ulama, ici, as-sah, les plus authentiques des livres après Al-Qur'an Al-Karim, c'est quoi? Sahih Al-Bukhari et après Sahih Muslim. D'accord? C'est pour ça qu'on dit As-Sahihain, les deux authentiques. À l'unanimité des savants. Bien que dans Sahih Muslim, il y a certains, 5 ou 6, si mes souvenirs sont bons, à la Kulihal, récits qui sont jugés faibles par les contemporains, Cheikh Al-Albani. Lakin, c'est les livres les plus authentiques et sûrs après Al-Qur'an Al-Karim. Certains, le récit que je vais vous citer, ils disent que ce récit-là, il n'est pas authentique, wal-iyadu billah. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire marcher leur esprit. Ils veulent faire marcher la logique avant de faire devancer قال الله وقال الرسول. Allah a dit, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit. Alors que nous les croyants, bien sûr qu'on a droit de faire marcher notre esprit, de faire marcher dans certains cas la logique. Mais lakin, quand on a un texte clair venant du Coran ou venant ici du prophète عليه الصلاة والسلام et qu'il est clair et jugé clair par les savants, on n'a pas droit de dire non, ce texte ne peut pas exister car ça dépasse ici la raison humaine, ou moi je trouve que ça ne colle pas trop avec les textes coraniques, ou je ne sais quoi encore. Quand il est authentique le récit prophétique, on revient aux paroles des savants pour donner une explication claire. Rapporté par l'imam muslim, selon Aïcha radiyallahu anhu wa ardaha, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, avec une traduction approximative, celui qui aime la rencontre d'Allah azza wa jal. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa. Celui qui aime la rencontre d'Allah azza wa jal, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste, man abrada liqa Allah, celui qui déteste la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, abrada Allahu liqa Allah azza wa jalla, il déteste, avec une traduction approximative, sa rencontre. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit, ya Rasulallah, kulluna nakrahu al-maut, tous, on déteste la mort. Tous, on déteste la mort. Clair? Tous, on déteste la mort. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a expliqué, il lui a dit, ce n'est pas ça, ya Aïcha. Première des choses, avant qu'on ne continue. Le prophète, il va expliquer. Dans le début du hadith, le prophète, il va expliquer, ici, à la fin du hadith, le début du hadith. Donc, il lui dit, c'est pas ça. Donc, il va expliquer, ça veut dire quoi? Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Celui qui déteste rencontrer Allah, donc il parle de la mort, Allah détestera le rencontrer. Elle a dit, mais on aime tous la mort, on déteste tous la mort. Pourquoi on déteste la mort? Parce qu'on a un peu On a tous un minimum de peur de la mort. Pourquoi? Ça ne veut pas dire on déteste rencontrer Allah. Nous, on a husnu dhan billahi azza wa jal. On a la bonne opinion de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Walakin al-mu'min da'iman fahuwa bayna al-khawf wa ar-raja. Il est toujours entre la peur et l'espérance. La peur de recevoir le châtiment d'Allah et l'espérance de recevoir la miséricorde d'Allah azza wa jal. La peur d'être en enfer et l'espérance d'être au paradis. Jusqu'à ton dernier souffle, tu dois être entre ces deux choses. C'est-à-dire al-khawf wa ar-raja. Ces deux ailes qui vont te parvenir ou te faire parvenir jusqu'à l'entrée du paradis. Al-khawf wa ar-raja. Il ne faut pas que tu dises ça et je suis voué en enfer. Wal-iyadu billah. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, quoi que tu fasses. Et tu ne dois pas dire aussi je suis au paradis. Ça ikhlas. J'ai fait une œuvre qui a fait de moi une personne vouée au paradis. N'oublie pas que le prophète, il a dit personne n'entrera au paradis avec ses actions. Mais tout le monde rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui rentreront, c'est par la miséricorde. Ils ont dit, hatta anti ya Rasulallah, même toi. Il a dit, même moi. Même le prophète alayhi salatu wa sallam ne rentrera au paradis que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, les actions sont prises en compte. Donc, nous, on espère le paradis et on a peur d'aller en enfer. On est toujours entre les deux jusqu'à notre dernier souffle. Le prophète lui a dit, c'est pas ça, ya Aisha. Donc, et ensuite, il lui a expliqué. Mais est-ce qu'il a dit, pourquoi tu as dit ça, ya Aisha? Vous détestez tous. Cool. Donc, c'est vraiment tous. Et de façon générale, donc Aïcha radiallahu anhu, elle a parlé de tout le monde, al-insan. De façon générale, tout le monde déteste la mort. Donc il n'a pas dit, tu n'as pas le droit de dire ça, ya Aïcha. On déteste la mort, on ne doit pas détester la mort, on ne doit pas avoir peur de... Non. Nous, on déteste la mort, pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il y aura, yaoumul qiyama, le jour de la résurrection, 50 000 ans. On devra rendre des comptes sur les petits et grands péchés. Et on sait très bien que ça va être un jour terrible. Mais on espère qu'Allah nous fasse miséricorde ce jour-là. Et on a hâte. Bi'idnillahi azza wa jal de voir notre Seigneur tabaraka wa ta'ala et on espère être au paradis et on a hâte de rencontrer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Lakin, on déteste la mort, pourquoi? Parce qu'on sait que peut-être on devra rendre des comptes sur des choses ou plutôt payer pour des choses qu'on a fait ici-bas et on a peur de tout ce qui nous attend. Lakin, on a hâte de rencontrer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc, le fait de détester la mort, tout le monde a ce sentiment-là. Il n'y a pas de souci. Ensuite, le prophète il a expliqué, il a dit à Aïcha, au moment de ta mort ou au moment de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala enverra les anges qui vont annoncer la bonne nouvelle, le paradis, la miséricorde de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala aux gens qui sont voués au paradis. Alors à ce moment-là, ils aimeront rencontrer Allah azza wa jal. Allah aimera leur rencontre. Allah azza wa jal aimera cette rencontre-là et aimera les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'au moment où le malaïka, dans sa muslim, le prophète il explique lui-même, il dit le malaïka vont venir et vont dire abshiru. Je vous annonce la bonne nouvelle. Vous êtes voués au paradis. Vous recevez la miséricorde d'Allah. Donc, tu auras hâte. Tu aimeras la rencontre. Tu auras hâte de rencontrer ton Seigneur. De même pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce même moment, il y aura al-kuffar, al-mushrikoun, wal-iyadu billah, les associateurs, les infidèles, qui ici, on leur annoncera la mauvaise nouvelle, le châtiment, al-wa'id, la menace de la part de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala, jahannam, l'enfer. À ce moment-là, ils détesteront la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Alors, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal détestera leur rencontre. Voilà comment le prophète, alayhi salatu wa sallam, a expliqué la preuve que quoi? Al-maut, tout le monde a ce sentiment. C'est-à-dire, on déteste un peu la mort. Clair? Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Moussa, alayhi salam, Malak al-maut, est venu le voir. Il est venu le voir. Quand Malak al-maut, il est venu le voir, Moussa, alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a frappé. Et dans une version authentique, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a crevé un œil. Moussa alayhi salam, il a fait ça. Moussa. Malak al-maut, il est parti voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, ah Allah. Il a dit, regarde, qu'est-ce qu'a fait ici Moussa alayhi salam. Il s'est plaint contre, du comportement de Moussa alayhi salam. Allah azza wa jalla lui a redonné la vue. Et il a envoyé, et le hadith est long, il a envoyé ici Malak al-maut pour voir Moussa alayhi salam. Ala kulli hal. Certains ici, ils ont, c'est ce hadith-là que je vous disais, qui disait qu'il n'existe pas. C'est un hadith mensonger, wal-iyadu billah mawdou'. Et on le prend pas en compte. Pourquoi? Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible que, ici, un prophète, certains ont dit un prophète, gifle et frappe Malak al-Maut, alors que ça fait partie du destin, alors que c'est un grand prophète, alors que ce... Ya akhi al-Habib, c'est un prophète. Certes, c'est un hadith authentique, qui atteint le degré le plus haut de son authenticité. Ici, les savants ont donné des explications. Certains ont dit, awwalan, c'est quelque chose de naturel. Pourquoi? Allah Azza wa Jalla rappelle, le prophète Ali Sum rappelle, ici, d'après les textes prophétiques et coraniques, ici que, on a tous un peu peur de le maut, et on a tous un peu, yani on déteste un peu tous la mort. Ça n'a rien à voir avec détester rencontrer Allah Azza wa Jal ou etc. Non! Lakin, on a peur, ça fait peur. Quand tu entends que le prophète, alayhi salatu wa salam, qui est voué au paradis. Khalil al-Rahman, qui fait partie des amis intimes du miséricordieux avec Ibrahim alayhi salam, la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Au moment de sa mort, il disait, inni u'aku, kama yu'aku rajulayna minkum. Il disait, si je souffre, comme souffrent deux hommes d'entre vous. Il disait, la ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique, certes, la mort a son agonie. Tu te dis, ya Rabbi, qu'est-ce qui m'attend moi? Tout le monde a obligé à avoir, il a un peu peur de la mort. C'est pour ça qu'on doit se préparer pour la mort et pour venir, pour pouvoir accueillir ce qui va venir après la mort. C'est pour ça que Ahlul Ilm, ils disent, la plus grande des monsibas, des malheurs, c'est quoi? C'est la mort? C'est pas la mort. C'est ce qui vient après la mort. C'est ce qui vient après la mort. C'est pas la mort en elle-même, mais c'est ce qui vient après la mort. Ala kulli hal. Certains ont dit que c'est quelque chose d'un naturel. D'autres, ils ont donné d'autres explications, comme Ibn Hibban et d'autres. Ici, Ibn Kathir l'a cité aussi, et la majorité donne cette explication, et c'est l'explication la plus prépondérante, wallahu a'lam. Ils disent que, Malak al-Maut, il n'apparaît pas. Comme n'importe quel ange n'apparaît pas sous sa forme réelle. Ils n'apparaissent pas sous leur forme réelle. Sauf dans des exceptions. Comme, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, Jibril alayhi salam, est apparu deux fois. Marratayn, il a vu le prophète alayhi salatu wassalam, Jibril, sous sa vraie apparence. D'accord? Deux fois. Sous sa vraie apparence. Sinon, Jibril alayhi salam, il venait sous l'apparence de qui? Un homme. Et il avait l'apparence de Dihya al-Kalbi, radiyallahu anhu wa arda, ce compagnon qui était réputé pour sa beauté. Et Jibril alayhi salam, il prenait l'apparence de Dihya al-Kalbi, et on va voir ici une preuve encore qu'il prenait l'apparence de Dihya al-Kalbi dans Ghazwat ben Qurayza, inshallah ta'ala. Ici, il prenait l'apparence de cet homme-là. Il venait sous la forme d'un être humain. D'accord? Il prenait l'apparence d'un être humain, et particulièrement de Dihya al-Kalbi. Pareil pour les anges, al-Malaika. Nous, al-Insan, de façon générale, sauf quand il y a des particularités, ici, on ne peut pas voir al-Malaika sous leur vraie apparence. Donc, première des choses, ils ont dit que, ici, Moussa alayhi salam, quand l'ange est venu, et il faut savoir que l'ange est venu chez Moussa alayhi salam. C'était dans sa demeure. L'ange de la mort, c'était dans sa demeure. Il est venu sous l'apparence certains disent d'un bédouin. Et Moussa alayhi salam, quand il l'a vu, il l'a pas reconnu. Et vous savez que dans la charia, et c'est aussi notifié dans la charia à l'époque de Moussa alayhi salam, dans la législation, le prophète alayhi salatu wassalam dit fi sahih, quand une personne rentre chez vous pour vous espionner par exemple, sans votre autorisation, qu'est-ce qu'elle a dit le prophète alayhi salam, on lui fait quoi? On lui crève l'œil. Hein, on lui crève un œil. Donc ici, ils disent, voilà pourquoi Moussa alayhi salam l'a fait. Il lui a crevé l'œil, pourquoi? Parce qu'il l'a vu chez lui, au sein de sa demeure, un ange qui est apparu, ou qui a eu l'apparence ici d'un être humain, il l'a vu chez lui, il a appliqué ce qui est relaté dans la charia. Mais il ne savait pas que c'était Malak al-Maut. Et la deuxième fois quand il est venu, ici, donc quand il lui a fait une proposition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa main, etc., pour savoir combien d'années il allait lui rester, à la kulli hal, ici j'abrège le hadith, il lui a dit, donc qu'est-ce que tu choisis? Que tu as la possibilité d'allonger ta vie ou alors de mourir maintenant? Il dit, et après? Si ma vie s'allonge? Il a dit, après il y a la mort, al-Maut. Il a dit, pourquoi je vais attendre? Donc ici, il a vu Malak al-Maut, il a reconnu Malak al-Maut, il a su que c'était Malak al-Maut à la deuxième fois, et il a accepté, et il n'a pas refrappé Malak al-Maut, sinon il l'aurait refrappé une deuxième fois. Donc ici, il y a eu des explications qui sont venues. Mais ça, pour nous rappeler que quoi? Al-Maut, ça fait peur. Et ce comportement de la personne qui est traumatisée par la mort, d'accord? Qui a, entre guillemets, je dis bien, ici ce dégoût envers Al-Maut, tu verras quelquefois les gens qui ont des maladies dans leur cœur, ou plus particulièrement les hypocrites. Quand il y a l'épreuve, al-masa'ib, les malheurs qui descendent, ici, et ces épreuves permettent de dévoiler leur vraie intention, tu vois qu'ils regardent les musulmans de façon paniquée, wal'iyadu billah. Et c'est là où tu vois, au moment des épreuves, les personnes véridiques et les personnes qui font partie des menteurs. C'est pour ça qu'on répète souvent, et on se doit de répéter et de méditer le verset coranique dans surat al-ankabut, ici, l'araignée, ici où Allah azzawajal dit à l'iflamim, ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ici, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire je crois sans les éprouver? Regardez, parmi les hikam, parmi les sagesses de l'épreuve, Allah azzawajal, il dit dans le Coran al-Karim, il dit, et on va les éprouver comme on a éprouvé ceux qui étaient avant eux, afin qu'Allah azzawajal connaisse les véridiques des menteurs. Et c'est quand il y a les épreuves, ici d'après le comportement extérieur que montrent les hypocrites, que tu vois que c'est des menteurs. Et parmi ces comportements-là, al-khawf, comme s'il était dans la mort, ou comme s'il était dans l'agonie de la mort, wal-iyadu billah. Donc aujourd'hui, ils jouent ici les grands hommes, les hommes fiers, les hommes courageux, quand il y a une épreuve, khlas, ils te regardent comme une personne traumatisée. Et ça, c'est les critères qu'avaient, wal'ayyadu billah, ici, les hypocrites, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'Allah les décrit quand il dit, et là, on parle toujours des hypocrites et des associateurs qui ont participé à la bataille de l'Ahzab, c'est-à-dire qui voulaient rentrer et qui ont été ici retenus par quoi la tranchée. D'accord? Parce qu'après, on va parler de Banu Qurayza. Mais Allah va parler de Banu Qurayza à la suite. Mais là, on parle d'eux. Donc, on parle de ces associateurs. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Et ici, Allah Azza wa Jalla rappelle que ceux-là, ces hypocrites, wal'ayyadu billah, et tous ceux qui ont le même comportement qu'ils sachent qu'ils ressemblent aux hypocrites. C'est-à-dire quand le khawf est passé, quand l'épreuve est passée, ils reviennent avec leur comportement initial. Et qu'est-ce qu'ils font? La première des choses, ils utilisent cette arme, wal'ayyadu billah, et Sadaqa ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda idh yaqul, certes, a dit vrai ibn Mas'ud quand il a dit, il n'y a pas une chose sur la surface de la terre qui mériterait le plus d'être emprisonné que la langue. Ils utilisent quoi? Al-lisan, la langue, wal'ayyadu billah. Et qu'est-ce qu'ils font? Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec les langues affilées alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru. Allah donc a rendu vaines leurs actions. Ils pensent que les coalisés ne sont pas partis. Or, si les coalisés revenaient, ces gens-là souhaiteraient être des nomades parmi les bédouins. Et se contenteraient de demander de vos nouvelles. S'ils étaient parmi vous, ils n'auraient combattu que très peu. Donc, Allah Azza wa Jalla rappelle que ceux-là, ils parlent beaucoup. Mais si l'épreuve vient, ils n'auraient rien fait avec vous. Donc ici, ça nous rappelle que quoi? Les personnes qui ont des maladies dans leur cœur, les hypocrites, ça ne sert à rien de faire tout ce qui est en tes capacités pour les mettre dans tes rangs. Ils vont faire plus de mal que de bien. Donc garde avec toi et auprès de toi les gens sincères, vertueux, véridiques, as-sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ya ayyuha alladhina amanu, quand il parle des croyants, il donne une recommandation qui vaut plus de l'or et il dit plus que de l'or et il dit quoi? Kounou ma'a as-sadiqin. Soyez avec qui? Avec les véridiques. Pourquoi? Parce que c'est les véridiques qui vont t'aider à avancer dans tes choses qui concerne, ou tes affaires qui concernent ad-dunya wal akhira. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Allah azza wa jalla, après ça, leur comportement, regardez, il met une barre pour séparer entre eux cela et ce qu'on va décrire. Il dit, vous avez certes chez le prophète alayhi salatu wassalam, ou dans le comportement du prophète alayhi salam, un excellent exemple. D'accord, il le rappelle que quoi? Regardez eux comment ils sont. Revenez quoi? À la sunna du prophète alayhi sallam, à la voix du prophète alayhi sallam, au comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, le prophète, l'éducateur, le guerrier, le mari, le professeur, comment il a éduqué les compagnons? Et Allah azza wa jalla, il dit, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima min al-mu'minina rijal. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam, khlas, ça c'était les associateurs, les hypocrites. Là, il y a le prophète. Voilà le véritable exemple. Voilà la référence. Et regardez le résultat de ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Quand ils ont vu les coalisés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés fermes. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Et ceci n'a fait qu'accroître quoi? Leur croyance et quoi? Leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqa Allah wa rasuluh. Pourquoi ils ont dit wa sadaqa? Et certes, Allah azza wa jalla a dit vrai. Et ainsi que son messager. Pourquoi? Parce que ils savaient très bien qu'après l'épreuve, il y a, النصر كما قال عليه الصلاة والسلام إن النصر مع الصبر. La victoire vient avec la patience. Et quand Allah Azza wa Jalla t'éprouve et que tu parviens à ici franchir cette épreuve avec patience, Allah Azza wa Jalla بإذن الله عز وجل te donne le secours. Et ils savaient, ils ont dit وصدق الله ورسوله, c'est-à-dire qu'ils savaient que la victoire allait arriver. Et c'est pour ça que ceci n'a fait qu'accroître quoi? Leur foi, leur croyance et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la victoire était proche. Parce qu'ils savaient que l'ennemi était là et ils avaient al-yaqin billahi azza wa jal. At-tawakkul ala Allah azza wa jal. Wa sadaqa jalla wa ala idh yaqul. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Et celui qui place sa confiance en Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala le suffit. Wa ma kana, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bina al-mu'minina rijal. Sadaqu ma ahadu Allah alayh. Fa minhum man qada nahbah. Wa minhum man yantadhir. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Voilà les croyants. Comment ils ont réagi? Comme les hypocrites, regardez. Les hypocrites, on a dit au début, ici, dans les quelques versets qu'on a cités, regardez le comportement, comment ils changent. Donc au début, ils parlent, ils font du mal. D'accord? De façon, yani, en cachette. Ils font quoi? Ils obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Ils mettent des bâtons dans les roues. Ils veulent casser, empêcher al-da'wa, la propagation de l'islam. Et après, quand il y a le khawf qui descend, c'est-à-dire, sur eux, après qu'il y ait eu une grosse épreuve, qu'est-ce qu'ils font? Ici, ils se taisent. Ils se cachent. C'est des peureux. ils parlent plus. Et quand le khawf, elle est partie, l'épreuve est partie, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'islam et ils repartent. Ils repartent dans leur travail et ils saccagent tout. Et ils veulent faire du mal à l'islam, wal'iyadu billah. Ces gens-là, comment on réagit avec eux? Uthman ibn Affan, rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit, celui qui agit en bien avec toi, fais de même avec lui. Tandis que celui qui agit en mal envers toi, évite son mal. Évite son mal, ça veut dire quoi? Utilise la meilleure des voies avec hikmah, avec sagesse. C'est-à-dire, faire ce qu'il faut, au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut, pour éviter son mal. Si le fait d'éviter son mal, c'est de l'exiler, exile-le. Voilà, on comprend mieux maintenant les textes prophétiques et la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Voilà pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, quelquefois, il était dur avec des compagnons. Quelquefois, il était plus doux avec des personnes qui faisaient des erreurs. Avec des gens qui voulaient attaquer l'islam, il réagissait ici avec sagesse et avec douceur. Quelquefois, il réagissait de façon plus dure. Quelquefois, il se mettait en colère. Pourquoi? Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, a dit, quand quelqu'un agit en bien avec toi, agis en bien avec lui. Quand quelqu'un agit en mal avec toi, évite son mal. Regardez, il n'a pas dit répond. Non, évite son mal. C'est-à-dire, c'est l'art. Trouve la meilleure solution et la meilleure des façons pour éviter son mal. Si ici le fait de ne plus lui parler, c'est une solution pour éviter son mal ou que son mal se répand, fais-le. Si ça va causer plus de mal, non, parle-lui et fais-lui da'watu ilallah azza wa jal. Si le fait d'être dur avec lui, de parler un peu de façon un peu plus dure avec lui, ça va faire que tu vas éviter son mal à lui et aux frères et aux sœurs et à la communauté, fais-le. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, à titre d'exemple à Abu Dhar, quelquefois il donnait des expressions très dures. À des compagnons, il donnait des expressions très dures, qui, en quelque sorte, rabaissaient un peu les compagnons. Il montrait que c'était, il était dur envers eux. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit, si être dur, c'est simplement le fait de parler de façon sec, quelquefois, à une personne, vous dites que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était égaré, wal'iyadu billah. Ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, a été dur, mais pour la vérité. Il n'a jamais été égaré. Donc, quand tu es dur, pour la vérité, de la bonne façon, sache que tu es sur la guidée. Mais si tu t'énerves quand il faut pas s'énerver et tu t'énerves pas quand il faut s'énerver, sache que tu es égaré. Et c'est pour ça qu'on a bien, on a besoin de quoi? Al-hikma, la sagesse. Donc ces hypocrites, ils ont changé de comportement. Amma les croyants, Allah il dit wa ma baddalu tabdila. Il dit parmi les croyants. Donc les croyants, mais parmi les croyants, il y a des hommes. Sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. Il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Aucunement dans leur engagement. C'est-à-dire ils sont restés sincères du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Ils ont fait la part des choses, ayyuhal ahbab. Pour eux, la religion prenait toute la place dans leur cœur. La religion, c'était ce qu'il y avait de plus important. Ils vivaient selon qala Allah wa qala Rasul. Al-hawa, les passions, les plaisirs, ils les ont mis de côté. Maintenant, tu vois des frères au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez maintenant mieux? Il y a des frères, par exemple. Il s'appelle Mohamed, il fait la prière, il vient à la mosquée. L'autre, il s'appelle Karim, il fait la prière, il vient à la mosquée. Ils viennent à l'heure à la mosquée. Ils vont dans la même mosquée. Ils prient côte à côte, wal'iyadu billah. Écoutez bien, et après, c'est quoi le résultat? Mohamed, il parle plus à Karim. Pourquoi? En Allah? Non, simplement parce qu'ils ont eu un conflit dans le commerce. Ou ils ont eu un conflit parce que quelqu'un lui devait 10 euros, il lui a rendu 2 jours en retard. Ou ils, Al-Muhim, c'est pas un conflit religieux. Vous voyez, ici, on mélange tout. Excusez-moi du terme, mais on mélange pas les torchons et les serviettes. La religion, c'est la religion. Ad-dunya, c'est ad-dunya. Ad-dunya mata'a. Kama qala alayhi salatu wassalam fi sahih muslim. Ici, la vie d'ici-bas est jouissance temporaire. Ad-dunya mata'a. Kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est voué, ou tout ce qui est sur la surface de la terre est voué à quoi? À éphémérité, à disparaître. Seul le visage de ton Seigneur subsistera, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est dunya, ne mélange pas les choses. Ça c'est la religion, c'est ton frère, tu lui dis salam alaykoum, il te dit alaykoum salam. Tu as eu un conflit religieux, khlas, tuwaqqaf, on s'arrête ici. C'est quoi le conflit religieux? Un tel ya akhil habib, il casse ad-da'watu ila Allah azza wa jal. Je lui ai fait une nasiha, je lui dis ittaqillahi azza wa jal. Et arrête de casser la da'wa. Et il continue à engrainer des jeunes pour les égarer, par exemple, à titre d'exemple, dans une secte égarée, ou loin de la mosquée. Khlas, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun autre résultat que quoi de le hajar, hajar-le, il n'y a pas de problème. Exile-le. Même, ça fait partie de quoi de l'islam, ya akhil habib. Si tu as de la science, et si tu comprends bien cette religion, pas de problème. Si tu lui as fait une nasa, et il continue à faire du mal, et tu sais qu'il y a plus de, évite son mal. Qui a dit ça? Uthman ibn Affan, rapporté par al-Bukhari. De quelle manière? Hajar, fais le hijra. D'accord, fais l'exode, sinon l'exil. L'exil c'est quoi? Où? D'un pays à un? Non. Tu exiles cette personne-là. Tu t'éloignes de cette personne-là, il n'y a pas de souci. Amma si c'est pour une chose mondaine, Ou même une chose religieuse, mais tu sais que si tu t'écartes de ce frère, ça va causer plus de mal. Il va s'égarer encore plus miskin et toi tu as de l'influence. Ah ben, d'un, tu n'as pas droit. Surtout si ça concerne des choses de dunya. Ne mélange pas tout, ya akhil habib. Wa ma baddalu tabdila. Ils n'ont changé en rien dans leurs engagements envers qui? Envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont engagés, ils ont été jusqu'au bout dans leur engagement. Toi, tu t'es quoi? Engagé à partir du moment où tu as dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammad ar-Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Tu es rentré dans l'islam, tu as embrassé l'islam, tu parles au nom de l'islam. Et si tu ne fais pas comme tu veux dans la religion, ça c'est ton frère en Allah Azza wa Jal. Tu as un conflit de dunya, mélange pas les torchons et les serviettes. Ça c'est dunya. Amma dans la religion, garde un minimum de relations. Donne-lui ses droits, dis-lui salamu alaikum, visite-le s'il est malade, suis sa genèse si il est mort, ici, etc. Les droits, akhil karim, que ton frère a sur toi, un minimum. Pour garder quoi? Cette mahabba entre nous. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Comme je répète souvent ce verset coranique. Et ne vous disputez pas, c'est Allah qui dit, sinon vous allez fléchir et quoi? Et perdre vos forces. وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et patientez car Allah Azza wa Jalla est avec qui? Avec les patients. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ça c'est le critère de quoi? Des gens qui font partie des croyants véridiques, sincères, aimés par Allah Azza wa Jalla. Allah les a décrits et a décrit leurs critères. Et au début il a décrit le critère de quoi? Des hypocrites qui changent de comportement, qui utilisent leur langue pour faire du mal. Voilà, maintenant tu te retrouves. Tu te retrouves, ya akhi al-habib. Quand tu vois des gens qui sont autour de toi et qui ont ce critère-là, ce comportement-là, dis-toi, dans ton fort intérieur, celui-là ressemble à l'hypocrite. Quand tu vois l'autre personne à côté de toi qui change en rien dans ses engagements, khalas, il a commencé dans une voie, il termine dans cette voie, sache que celui-là a le comportement et les critères de quoi? Des gens véridiques. Quelqu'un va dire, maintenant toi tu es qui toi? Tu juges et tu rentres dans le cœur des gens? Toi tu juges les intentions? J'ai parlé d'intention ici ou j'ai parlé d'action? J'ai parlé de quoi? D'action. Al-A'mal. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, dans Al-Bukhari, il a dit quoi dans un athar authentique? Il a dit à l'époque du prophète, il y avait le wahi, la révélation. On jugeait les gens avec le wahi. Le prophète al-Islam, il disait, iyakum, attention, méfiez-vous de qui? De cette personne-là. Pourtant, il voyait rien. C'est un hypocrite. C'est ce, mais parce qu'il parlait avec, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Il dit maintenant, il n'y a plus de révélation. Donc Omar il dit maintenant on va juger les actions. Même si quelqu'un vient et nous dit mon intention était bonne et il nous montre une mauvaise action, on va juger et on va le juger selon son action. Et si quelqu'un nous dit un tel il a une mauvaise intention mais son action est bonne, on va délaisser son intention et on va juger son action. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salallahu alayhi nous rappelle ceci dans un hadith authentique où Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu arda lors d'un combat, il combattait. Et il y a un mouchrik, vous connaissez ce hadith authentique, ici il est arrivé le mouchrik. Et il a combattu Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, il a levé son épée, il allait le tuer. Il a dit, ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Il a attesté. Et le prophète a.s. il a interdit de tuer une personne qui avait fait ash-shahadatayn, les deux attestations. Il l'a tué. Le prophète a.s. quand il a su, il s'est mis en colère. Le prophète, il se mettait en colère. Pourquoi? Pour le haqq. Il s'est mis en colère. Il est devenu rouge. Il a convoqué Oussama ibn Zayd. Il lui a dit, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as tué? Oussama ibn Zayd, ce grand compagnon, 17-18 ans, qui avait quoi? Qui était responsable de l'armée. Il a dit, ya Rasulallah, il l'a fait parce qu'il avait peur de quoi? As-silah, des armes. C'est pour ça qu'il l'a fait, as-shahadatayn. Le prophète alayhi salallahu alayhi, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que toi, tu as ouvert son cœur pour savoir s'il était véridique ou pas? Oussama ibn Zayd, il a dit, wallahi, j'aurais aimé que ça soit mon premier jour de conversion. J'aurais aimé que ça soit le premier jour que je rentre dans l'islam. Que ça, je débute dans l'islam. Tellement qu'il a eu mal. Oussama ibn Zayd, quand le prophète a dit ça, pour nous rappeler que quoi? Nous, on a quoi? Husnul dhann. Si quelqu'un, il nous dit je suis musulman, et on a des doutes, c'est quoi qui devance? C'est quoi qui devance? C'est les doutes ou pas? C'est pas les doutes. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathira min al-dhann. Inna ba'da al-dhann, ithm. Allah Azza wa Jalla dit, éloignez-vous de quoi? Kathira min al-dhann. Est-ce qu'on a droit d'avoir une mauvaise opinion d'une personne? On a droit d'avoir une mauvaise opinion d'une personne ou pas? Su'adhan. On a droit ou pas? Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, inna ba'dadhan. Certains soupçons, il n'a pas dit tous, certains soupçons sont péchés. Ça veut dire que d'autres soupçons ne sont pas péchés. Ça veut dire que tu as droit d'avoir un mauvais soupçon sur un frère. Tu as droit d'avoir un mauvais soupçon sur une sœur. Tu as droit d'avoir un mauvais soupçon sur quelqu'un. Lakin, Allah au début, il dit, kathiran min adhan. Beaucoup de soupçons. D'accord? Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. D'accord? Évitez, éloignez-vous de de beaucoup, d'avoir le fait d'avoir beaucoup de mauvais soupçons. D'accord? De soupçons. Car il y a certains soupçons qui sont considérés comme des péchés. La preuve que quoi? Ici, les savants ont expliqué ce verset coranique de la sorte. Ils disent que tu as droit d'avoir des mauvais soupçons sur une personne. Mais tant que tu n'es pas sûr, tu n'extériorises pas ces mauvais soupçons à travers ta langue, tes faits et gestes. D'accord? Mais quand tu es sûr, pas de problème. Mais avoir un mauvais soupçon, tu as le droit. Mais tant que tu, à travers ta langue, tu ne fais pas transférer ce mauvais soupçon en une certitude, il n'y a pas de problème. Par exemple, tu as des doutes sur une personne qui fait du mal, d'accord? Ou qui espionne pour faire du mal à l'islam, ou je ne sais quoi encore, ou qui ment sur les musulmans, etc. À la kulli hal. Ou alors qui t'espionne dans ta vie personnelle envers toi et ton épouse pour faire... Mais tu as des doutes, tu as des preuves, mais tu n'es pas sûr à 100%, mais tu as des doutes. Est-ce que tu as droit d'avoir des doutes? Tu as droit. Fais ton enquête, il n'y a pas de souci. Lakin, tu n'as pas droit d'aller dévoiler ça à tout le monde, tant que tu n'es pas sûr. Et tu n'as pas droit de dire, c'est sûr qu'il le fait, tant que tu n'es pas sûr à 100%. D'accord? Mais des doutes, tu as droit d'en avoir. Mais avoir toujours des doutes, non. Et dit, tani bu kathiran min adh-dhann. Inna ba'da adh-dhanni ithm. Voilà l'explication de ce verset coranique. Et il ne faut pas partir à l'excès comme certains ignorants qui disent, ah, t'as vu, t'as un mauvais doute. Ah, regarde Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Ayyuha alladhina ijtanibu kathiran min al-ayah. Non. Ça, c'est, il y a une explication à ce verset coranique et ici décortique comme il faut le verset coranique. Inna ba'da adh-dhanni ithm. C'est pas tous les soupçons. Ala kulli hal ici, Allah Azza wa Jalla rappelle ici le comportement des croyants qui n'ont changé en aucunement en leur comportement. On se doit d'avoir une bonne opinion des musulmans. Lakin, quand on sait qu'il y a une personne qui veut faire du mal à l'islam, on a des doutes. Tu as droit d'avoir des doutes. Lakin n'extériorise pas ces doutes-là ici ou ne fait pas transférer ce doute-là en une certitude. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il commence à rentrer dans l'explication de Ghazwatu Banu Qurayza. L'expédition de Banu Qurayza. Donc là, on a parlé de ceux-là qui sont venus de l'extérieur. On a parlé d'eux. Khalas. Ils ont voulu attaquer, ils n'ont pas pu rentrer. Pourquoi? Il y avait quoi? Il y avait la tranchée. Khalas, ils n'ont pas pu rentrer. Donc maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux-là. Comment ils ont réagi? On avait dit qu'il y avait quoi? Al-Malaika qui était avec eux, les croyants. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a expulsé ces personnes-là, alors que quoi? Il y a une personne qui a réussi à infiltrer les musulmans. D'accord? C'est-à-dire à rentrer dans Médine pour aller voir qui? Banu Qurayza. Pour s'allier avec eux, pour attaquer d'eux, de l'intérieur, ici les musulmans. D'accord? C'est connu. On va pas de l'extérieur, on va les attaquer de l'intérieur. On va leur envoyer le mard. Ça existe ça? Masha'Allah. Ils envoient le mard de l'intérieur. Ça existe depuis des années, des siècles. Ils envoient le mort de l'intérieur ici pour que l'attaque vienne de l'intérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une personne qui s'appelait Huyay. Et cette personne-là est décédée. Et on va voir par la suite. Lakin, ils ont envoyé cette personne-là. Il s'est associé avec eux. Il leur a monté la tête, mais on va voir ça dans les détails, pour pouvoir attaquer ici le prophète alayhi salam de l'intérieur. Et c'est ce qu'on appelle Ghazwatu Banu Qurayza. C'est ici ou Bani Qurayza. C'est l'expédition de Banu Qurayza, cette troisième tribu juive qui est resté à Médine avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils cohabitaient. Les juifs peuvent vivre avec les musulmans? Ils peuvent. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays musulman et des juifs avec nous et des chrétiens? À l'unanimité des savants, bi ijma' al ulama. Est-ce qu'il y a des traités? Il doit avoir des traités. Si les juifs et les chrétiens respectent les traités, est-ce qu'on doit quand même respecter les traités? Obligatoire. Mais s'il y a des juifs et des chrétiens dans un autre pays qui attaquent des musulmans, est-ce qu'on a droit de s'attaquer à ces juifs et ces chrétiens? Bi ijma' al ulama, tu n'as pas droit. On n'exporte pas les problèmes. On n'a pas le droit. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est l'équité de l'islam. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est selon les preuves du Coran et de la Sunna. On ne mélange pas tout, nous. Nous, on vit en France au jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit de dire, oui, mais on a entendu et on entend au jour d'aujourd'hui qu'il y a des conflits entre les juifs et les musulmans en Palestine. Donc, si moi, je vois un juif, comme certains égarés, wal'iyadu billah, dehors, je le cours après si je vois que c'est un rabbin avec son chapeau noir et je le plante ou je le tue. Et je suis fils à bilillah. Ça, c'est un égarement. Le prophète lui-même, à son époque, il a jamais exporté les problèmes. Il a jamais exporté les conflits. Ici, tu es dans un traité. À partir du moment où tu rentres dans un pays et que tu rentres avec un visa, c'est comme un traité, c'est un pacte que tu as signé. Ou bien des non-musulmans rentrent dans un pays musulman. Ils ont eu le visa, ils ont eu l'accord, ils rentrent. Tu n'as pas le droit de les toucher, que ce soit dans un pays musulman ou que toi, tu sois dans un pays non-musulman. Et encore moins si toi, tu vis dans un pays musulman et tu t'attaques à des musulmans au nom de quoi? Au nom du jihad, comme certains le prétendent, wal'iyadu billah. Et il n'y a qu'une face dans l'islam, il n'y en a pas trois. Il n'y en a qu'une face, c'est cette face-là, qu'on doit montrer nous les musulmans, et on rendra des comptes au jour de la résurrection sur cette face-là. Il ne faut pas tout mélanger, Et ça ne veut pas dire que nous, quand on voit les Palestiniens, on dit, oh, ceux-là, ils sont égarés aussi, comme un jeune m'a dit une fois. Quoi, ceux-là, les Palestiniens? Ouais, mais ça sert à rien de faire dua pour eux, les Palestiniens. T'as pas vu comment ils jettent des pierres? Ils ont des jeans serrés. Ils ont même pas la barbe. C'est des égarés. Wal'iyadu billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Parce qu'un Palestinien, il a un djinn, galek, celui-là, il est égaré, tu ne peux pas faire des invocations pour lui. Et nous, on est contre quoi? Al-dhulm, l'injustice, que ce soit envers les musulmans ou les non-musulmans. Inna dhulm, dhulumatun yawm al-qiyama, kama qala, alayhi salatu wasalam. Ici, l'injustice, c'est ténèbres au jour de la résurrection. Est-ce qu'on a le droit de faire de l'injustice envers les musulmans? Abadan. Envers les non-musulmans? Abadan. On n'a pas le droit. Comment on va accepter une injustice faite sur des musulmans? Si moi, je vois, et c'est pour ça qu'il y a même des associations, même en France, qui sont ici, dans yani, ils mettent tout en œuvre pour aider quoi? Les musulmans en Palestine. Donc est-ce que c'est des terroristes? Eh ben, on est fiers, nous, d'aider les Palestiniens et de leur envoyer de l'argent s'ils veulent acheter des livres pour étudier, pour acheter, yani, il n'y a pas de souci, des médicaments, il n'y a pas de souci. Mais on mélange pas tout. Ça ne veut pas dire que, voilà, on voit ici, par exemple, un militaire qui va tuer même un jeune de 8 ans ou de 7 ans, à titre d'exemple, qui n'a rien fait en Palestine. On va dire, le premier juif que je vois, ici, je le prends, je le... Masha'Allah. Abadan, ici on mélange pas tout, ayyuhal ahbab, et ça c'est l'équité qu'il y a en islam. Allah Azza wa Jal ici, ayyuhal ahbab, il rappelle que quand ces personnes-là ont pris la fuite, et là on a, je vous ai dit ici qu'il y a une personne qui est rentrée, donc il est à l'intérieur, ça y est, la maladie elle est rentrée dedans. Mais eux ils ont été à l'extérieur, Allah Azza wa Jal les a expulsés, et il a évité le combat aux croyants. Il a évité le combat aux croyants. Allah Azza wa Jal nous rappelle que quoi? Que c'est ça, at-tawakkul. C'est de placer sa confiance en Allah, mais d'utiliser les causes. Regardez tout ce qu'ils ont mis en œuvre pour le combat. Allah Azza wa Jalla l'a évité aux croyants. Avec tout ça, al-khawf, les jours de préparation, la grande armée. Allah Azza wa Jalla rappelle que quoi? Al-Nasr, le secours, il vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Razzaq, le pourvoyeur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, Allah, il les a laissé faire toutes les causes, mais c'est qui les a protégés? Allah Azza wa Jalla. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Et quand Allah fait qu'il y a un mal qui t'atteint, personne ne peut ôter ce mal si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Allah azza wa jalla dit, et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Vous avez vu? Khlas. Comment il a épargné, ici Allah Azza wa Jal, ici, le combat aux croyants? Comment? Avec un vent. On avait expliqué les versets coraniques. Allah a envoyé un vent qui les a éloignés, d'accord, de Médine. Donc un vent violent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a évité le combat après qu'ils aient utilisé les causes. D'accord? Après qu'ils aient utilisé les causes, car Allah veut que tu utilises les causes de la meilleure des façons. Et tu mets tout ce qui est en tes capacités pour faire le plus de causes possible et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il les a fait, et il a fait descendre de leur forteresse, ça ikhlas. Ils sont partis se retrouver avec, maintenant il y a qui maintenant qui reste? Ça y est, Allah azza wa jalla les a expliqué, donc il leur a évité le combat. Maintenant il reste qui dedans Médine? Ben Quraïda, avec qui? Huyay, parmi les personnes qui ont réussi à infiltrer ici Médine pour pouvoir engrainer Ben Quraïda et les attaquer de l'intérieur. Ou plutôt, disons, ici leur faire une embuscade ou alors les prendre en sandwich entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire, les autres, ils vont prendre par l'extérieur. Nous, on est par l'intérieur. Vous inquiétez pas que Huyay, il s'est dit, je compte pas que sur Banu Quraïda. Mais je sais qu'il y a les coalisés Al-Ahzab, ceux qui se sont alliés. D'accord? Il y avait parmi eux des gens de Quraysh, etc., pour attaquer les musulmans. Mais il s'est dit, c'est bon. Moi, on va attaquer de l'intérieur, et ensuite, on a le secours de l'extérieur. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ils complotent. Regardez, ils essaient de comploter contre Allah Azza wa Jal, mais Allah, il est meilleur, hein? En complot, envers ceux qui complotent. Mais on ne peut pas attribuer cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale. Allah est le meilleur en complot envers ceux qui complotent simplement. Et ça fait partie de l'aqidah. Clair? Ala kulli hal, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés tout seuls. Banu Quraïda avec cette personne-là. Ils ont été assiégés. D'accord? Allah azza wa jalla, qu'est-ce qu'il a fait? Allah, il décrit cette situation, il dit, et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés. Et il a jeté l'effroi dans leur cœur, un groupe d'entre eux vous tuez, et un groupe vous faisiez prisonniers. Donc ces personnes-là, Allah, il les a fait descendre de leur forteresse. Pourquoi? Ils ont été assiégés pendant une période, ici, X, qu'on va voir dans les détails, inshallah ta'ala. Et Allah a fait qu'ils sont descendus ensuite de leur forteresse. Certains, ils ont été pris prisonniers, et d'autres, ils ont été tués. C'était qui? Les femmes et les esclaves. Ici, et les enfants, ils ont été pris, yani, et les combattants ont été tués. Allah Azza wa Jalla décrit ici dans le Coran al-Karim cette situation. Il dit un groupe d'entre vous tuait et un groupe vous faisait prisonnier et il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leur bien et aussi une terre que vous n'aviez point foulée et Allah est omnipotent. Et Allah est omnipotent. Al-Aisha, c'est à quelle heure? 53. Et Allah Azza wa Jalla est omnipotent. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle que quoi le résultat, ça a été quoi? Regardez ici, Cheikh Abdel Wahid dans ici son livre très connu de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ici je vous avais dit ça le dernier cours, hein. il a cité cette règle, al-jaza'u min jinsil amal, ici dans cet endroit. Pourquoi? Ici la rétribution dépend de quoi? De ce que tu as devancé. Tu seras rétribué selon ce que tu as fait. Al-jaza'u min jinsi al-amal. D'accord? Dépend de la nature de l'action ici. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Diviser les musulmans, prendre ici en otage leurs femmes et leurs enfants, détruire leurs demeures, prendre leurs richesses. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Kama tadinu tudan. Comme tu fais, on te fera. Ou bien dis si tu veux, comme tu as l'intention de faire, peut-être qu'on te fera. Juste avoir l'intention. Innama al-a'malu bi an-niyyat. Les intentions, tu rendras des comptes même sur tes intentions. Et ici, ils ont voulu faire ce mal-là. Ce mal-là s'est retourné contre eux. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Et ça s'est retombé, ou leur ruse est revenue contre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi à prendre, c'est-à-dire les croyants. Ils ont pris leur épouse, leurs enfants, ils ont tué leurs combattants, ils ont pris leurs forteresses, leurs habitations, leurs biens, leurs richesses. Ce qu'ils ont voulu faire, ça s'est retourné contre eux, contre ces personnes-là. Et ici, Allah Azza wa Jalla, le prophète alayhi salatu wa sallam, dit dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, donc on avait expliqué ce hadith-là, je pense au dernier cours, si mes souvenirs sont bons. Ala kulli hal, il raconte un peu ici les grands traits de ce qui s'est passé ici. Il dit dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, il a dit qui m'apportera des nouvelles de, c'est-à-dire de qui? Ben Khouraïda. Et il y a eu Zubayr ibn al-Awwam qui a dit à trois reprises, moi quand le prophète a répété trois fois la question. Et le prophète alayhi salam, il a fait l'éloge de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu arda. Et il dit, chaque prophète a un apôtre et le mien est certes Zubayr ibn al-Awwam. Il n'a pas hésité à trois reprises, il a dit, moi ya Rasulallah. Clair? Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'on tire aussi de cette expédition? Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait dit que personne d'entre vous ne fait salat al-Asr jusqu'à ce qu'il arrive chez les Banu Qurayza, rapporté par le Bukhari et Muslim. Et les compagnons sont partis et ils ont regardé l'heure. Certains, ils ont vu que l'entrée de l'Asr était rentrée. D'accord, salat al-Asr était rentrée. Donc ils ont dit, nous maintenant, on prie maintenant. Khalas, est-ce qu'ils avaient raison ou pas? Pourquoi? Parce que c'est salat al-Asr, c'est l'heure de l'Asr. D'autres, ils ont dit non. Ils ont dit, le prophète, il a dit que personne ne prie l'Asr que lorsque vous arrivez à... Ne priez pas l'Asr que quand vous êtes à Banu Qurayza. Donc ils ont dit, nous on prend à la lettre le texte du prophète alayhi salatu wasallam, la parole du prophète alayhi salatu wasallam. Donc même si l'Asr est rentré, on n'est pas encore arrivé à Banu Qurayza. Quand on arrive à Banu Qurayza, on fait salat al-Asr. Et le prophète alayhi salatu wasallam, quand il lui est parvenu cette information, que certains ils ont prié à l'heure, et que d'autres ont attendu à Banu Qurayza, bien que l'heure ne soit pas passée, est-ce que les deux ici ont eu raison ou pas? Les deux ont eu raison. Le principal, l'heure de l'Asr n'est pas sortie. Certains ils ont dit, on préfère rester pour être plus sûr, se conformer ici à la parole du prophète. Et d'autres ont dit non, c'est salat al-Asr, khalas. Allah Azza wa Jalla dit, on doit prier la prière à l'heure, on est rentré dans salat al-Asr, on fait salat al-Asr, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Le prophète, il a ni blâmé les uns, ni blâmé les autres. Ça, c'est une divergence. Ici, il y a droit d'avoir des divergences en islam, il n'y a pas de problème. Dans le faire, dans la jurisprudence. Ici, si quelqu'un va dire, je prends cet avis, et il a des preuves. Et l'autre va dire, j'ai pris cet avis. Mais ils ont des preuves, ces savants aussi. Là, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as droit de dire, moi, mon avis, c'est celui-là ou celui-là? Tu as droit ou pas? Bien sûr que tu as droit. Bien sûr qu'on a droit. Celui qui dit non, c'est un égaré. C'est une personne qui a 0,0001% de science. C'est une personne qui, miskine, je ne sais pas où il apprend sa science, parce que j'ai entendu certains jeunes, et encore hier, quelqu'un qui disait ça. Je comprends pas pourquoi il y a des frères qui disent, moi, mon avis, c'est ça. Ya akhi al-habib, si toi, tu vas te dire, par exemple, moi, je me relève de ruku', et ici, Cheikh Al-Albani, il a dit, on ne doit pas remettre les mains al-qabd, la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Mais Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, si, on doit obligatoirement remettre. c'est ici ils ont leur preuve. D'accord, les deux, déjà c'est deux montagnes de science contemporaines. Rapidement, ici de façon claire. Les deux, ils ont leur preuve. Est-ce que toi, après ton effort personnel, c'est-à-dire tu regardes ses preuves, t'es plus mertaire dans la vie, par exemple, de Cheikh l'Albani? Ou alors de Cheikh l'Uthaymin? Tu dis, moi, non, je suis plus, yani, réconforté dans la vie de Cheikh l'Uthaymin. Je dis, je dois refaire le qabd ici en me relevant de Roku'a. Est-ce que t'as donné ton avis? Est-ce que t'as dit, moi, mon avis, c'est ça? Tu l'as dit ou pas? Est-ce que t'as droit? Celui qui dit, non, il n'a pas droit de dire ça, ça veut dire qu'il dit que dans toutes les questions de jurisprudence et de aqida, il y a unanimité des savants. Donc c'est un égaré, il vient d'une autre planète peut-être. Celui qui dit, non, tu n'as pas droit de dire ça, ça veut dire qu'il fait quoi? Ça veut dire qu'il fait rien du tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il applique ici dans la religion, celui-là. Et il dit, non, tu dois, subhanallah, tu as droit de choisir ton avis quand tu vois que deux savants ont divergé et ont les preuves de leur côté. Et t'as pas droit de dire à ton frère, toi t'as un égaré, pourquoi t'as pris ça? Chacun, ya akhi al-habib, c'est subhanallah. Ici, le prophète, alayhi sallam, il a vu deux avis différents qui ont été optés. Les deux avis, ici, dépendent d'un ijtihad qui est fondé. Il n'a pas dit, toi, tu es égaré, ou toi, khlas, il n'y a pas de souci. Et ça ne doit pas engendrer de la haine envers nous. Toi, tu dis, mon avis, c'est celui-là. Ou je suis plus apaisé dans cet avis-là. Pourquoi? Je suis plus convaincu dans ces preuves-là. Il n'y a pas de mal, celui qui dit le contraire. Comme un jeune que j'ai entendu hier, Imskin, Allah Musta'an, c'est que Allah Musta'an, je ne sais pas où il puise sa science. Ala kulli hal, ici, pour terminer, je vais terminer ce cours ici, inshallah ta'ala. Ici, le prophète alayhi salam dans le Bukhari wa Muslim, il a ordonné à ses troupes de se diriger vers Banu Quraïda et de prier l'Asr ici à Banu Quraïda, et Jibril alayhi salam l'avait devancé. Parce qu'il est relaté dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim que Jibril se présenta au prophète alayhi salatu wassalam. Après que les associateurs, l'Ahzab sont partis, regardez, Jibril alayhi salam est apparu au prophète alayhi salam sous sa vraie apparence. Non, sous l'apparence de Dihya al-Kalbi. Écoutez bien, ici il est apparu. Et il a vu le prophète poser ses armes. Vous savez, le prophète il a posé as-silah, les armes. Et Jibril alayhi salam, il lui dit, tu as déposé les armes? Le prophète alayhi salam, il dit, oui. Jibril a dit, wallahi, nous, on les a pas encore déposées. On n'a pas encore déposé les armes. Ça, c'est la preuve que quoi? La guerre, elle est pas finie. Wallahi, on n'a pas encore déposé les armes. Il lui ordonna de marcher jusqu'au Banu Quraïda. Et Aïcha radiyallahu anhu wa arda, dans un hadith rapporté par Ahmed avec une chaîne de transmission bonne, il dit, le prophète alayhi salatu wa salam, ou plutôt, elle dit, le prophète est parti vers Banu Quraïda. Il est passé par les Banu Amr. Et ici, il leur demanda, qui est passé par là? Il leur demanda, qui est passé par là? Ils ont dit, nous, on a vu Dihya al-Kalbi. On a vu Dihya al-Kalbi. Parce qu'il savait le prophète que Jibril, dans sa al-Bukhari au Muslim, il lui a dit quoi? Tu les as déposés? Wallah, on les a pas encore déposés. Dirige-toi vers Banu Quraïda. Et le prophète, quand il est marché, il a dit, qui est passé par là? Juste pour savoir. Ils ont dit, on a vu Dihya al-Kalbi. Donc le prophète, il savait que c'était qui? Jibril alayhi salam. De là, les savants encore, ça c'est une des nombreuses preuves que Jibril prenait l'apparence de qui? Dihya al-Kalbi. Ce compagnon qui était très beau, et Jibril alayhi salam prenait son apparence. Le prophète, il a su que Jibril se dirigeait vers Banu Quraïda, et ça c'est pour aussi rassurer les compagnons, ici al-Malaïka, avec vous. Et ensuite, ils se sont dirigés vers eux, et ils les ont assiégés jusqu'au moment où ils ont plus supporté, c'est-à-dire les juifs de Banu Quraïda, et ici ils ont dit, khlas, ça y est, on accepte ici de négocier. Et le prophète alayhi salam, il a dit, on va faire intervenir un juge. Et ils ont fait intervenir ici Abu Lubada. Et celui-ci, qu'est-ce qu'il a dit? La mort, al-maut. Qu'est-ce qu'on leur fait? La mort, on les tue. Ils ont dit, non, on veut pas ce juge-là. Ils ont dit, faites intervenir une autre personne. Et ils ont dit, faites intervenir Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu arda. Sa'd ibn Mu'ad. Vous savez, c'est qui ce grand compagnon jeune, rapporté par Muslim? Ihtazza arshur rahman. Le trône d'Allah, azza wa jalla, a vibré, a tremblé, lors de la janaza. De qui? Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu wa arda. Tellement qu'Allah Azza wa Jalla aimait Sa'd ibn Mu'ad. Regardez les compagnons qui ont marqué l'histoire. Le trône d'Allah, Arshur Rahman, le trône du miséricordieux, ici à quoi? A tremblé quand? Lors de la janaza de Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu wa arda. Et il a dit, ya Rasulallah, regarde ce qu'on fait. Il dit, on tue leurs combattants. On prend leurs femmes et leurs enfants en captive et leurs richesses, on les prend et on les partage. Le prophète alayhi salam a dit, tu les as jugés conformément au jugement d'Allah et du messager, alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tué leurs combattants, ils ont pris leurs richesses, ils les ont partagées, ils ont pris en captive leurs femmes et leurs enfants. Et ensuite, alhamdulillah, ici, la paix s'est répandue à Médine pendant une longue période, jusqu'à ce que, et on va voir les futurs événements qui se sont produits encore, inshallah ta'ala. Mais c'est pour rappeler que quoi? Les musulmans ont toujours cohabité avec les juifs, mais quel moment ou à quel moment ici, il y a eu ces paroles prophétiques où le prophète alayhi sallam a dit, par exemple, vous savez qu'à Mecca, c'est interdit qu'un non-musulman entre dans Mecca, d'accord, dans la Terre Sainte, etc. Et il y a d'autres texte prophétique où le prophète Aïssam avait dit chasser les associateurs de la péninsule arabique, etc. Ça, c'était quand? C'était quand les associateurs al-Yahoud, etc. avaient trahi tous les pactes. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, on doit réagir de la même façon à notre époque, dans n'importe quel autre ou dans n'importe quel endroit, de la même manière que le prophète Aïssam a réagi avec al-Yahoud au moment, par exemple, de l'expédition de Banu Qurayza. Ça ne veut pas dire que maintenant, si tu as des juifs qui vivent dans un pays musulman, tu dois les chasser parce que le prophète les a chassés. Non, ici, il faut mettre chaque contexte ici à sa place, il faut contextualiser ici les situations. Et il ne faut pas tout mélanger. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.